Les habitants des îles Maldives sont des gens pieux et religieux, d'une foi sincère et d'une volonté ferme. Ils mangent des aliments licites et leurs prières sont écoutées. Quand ils se rencontrent, ils se saluent de cette façon. Dieu est mon Seigneur et Mohammed son prophète. Je ne suis qu'un pauvre ignorant. Ils sont de constitution fragile et ne sont pas enclins au combat ni à faire la guerre. Et leurs uniques armes sont les prières. Quand j'y étais cadi, un jour j'avais ordonné que l'on coupe la main à un voleur. Et certains latifs qui étaient dans la salle d'audience s'évanouirent.